Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vous raconter la rentrée de Zélie. Au milieu d'un océan de cartables chahutés par des enfants surexcités de se retrouver, Zélie, elle, n'est pas à la fête. Être une tricoteuse, c'est avant tout savoir se fondre dans le décor. Tu ne dois rien changer, tu iras à l'école. En rejoignant une agence internationale de renseignement super secrète, elle n'aurait jamais pensé devoir vivre une vie normale, alors que le monde est rempli de mystères qui ne demandent qu'à être résolus. Et pour ne rien arranger, elle a Madame Douce, sa mère, comme maîtresse. Une femme adorable, mais qui s'énerve à la moindre contrariété. Si bien qu'être dans sa classe revient à se retrouver dans une forêt hantée au beau milieu de la nuit. On n'ose pas bouger, chuchoter, ni faire une blague, de peur de réveiller la bête. Bien! Maintenant que tout le monde est installé, prenez une feuille, pliez-la en deux pour faire un écriteau et notez votre prénom au feutre noir. Les élèves ouvrent leurs trousses. Des regards inquiets sont aussitôt échangés, puis une main timide, presque tremblante, se lève. Qu'y a-t-il, mon garçon ? J'ai plus de feutre et même plus de crayon du tout. Oh, comment ta trousse peut-elle être vide ? Mais j'en sais rien, on a bien tout vérifié ce matin avec maman pourtant. Et vous autres ? Avec vos têtes d'oisillons tombées du nid, ne me dites pas que vous aussi... Je crois que si, madame. Oh, je vois. Vous voulez me tester le premier jour de la rentrée ? Il y a toujours un chef dans ce genre d'affaires. Qui a eu cette idée ? La maîtresse jette un regard si glacial sur la classe que les enfants frissonnent et baissent les yeux. Sauf Zélie, qui fixe un coin de la classe, puis se lève, comme attirée par quelque chose. Que fais-tu ? Rassieds-toi immédiatement ! On dirait de l'encre sur le sol. Qu'est-ce que ça peut me fiche ? À ta place, sinon ! En remontant la piste, on devrait trouver les crayons. Petite insolente, je vais t'apprendre ! Les traces s'arrêtent devant une armoire décorée d'un tas d'autocollants. Tel un rapace fondant sur sa proie, Madame Douce-Amère traverse la classe et saisit Zélie par le col alors qu'elle ouvre le placard. Oh, oh, tu vas y coper d'une bonne punition ! Oh ! Mais... ce sont les crayons ? Oui, ils pouvaient pas disparaître comme ça. Le coupable a même laissé des traces de pas. On dirait des pattes d'animal. Un animal ? Et puis quoi encore ? Aucune idée, mais il n'y a ni traces de doigts ou de chaussures, alors aucun de nous ne peut être le coupable. Des murmures s'élèvent. Madame Douce-Amère se retourne si brusquement que tout le monde sursaute et s'empresse de s'asseoir droit comme des i. Satisfaite de son effet, la maîtresse range tous les crayons dans une boîte à chaussures, puis retourne à son bureau. « Je sais que le responsable est parmi vous, mais je passe l'éponge pour cette fois, et cette fois seulement. Alors, tâchez de filer droit. » Un « Oui, madame Douce-Amère » général lui arrache un sourire victorieux. La remise des crayons se fait dans un silence de mort, entrecoupé du trifouillage des stylos et l'appel de leur propriétaire. « Bien !» Tous vos crayons sont étiquetés, je vais procéder à la distribution. Un bon moyen de faire connaissance. S'ensuit un long monologue où la maîtresse égrène toutes les règles à suivre et le programme des semaines à venir. La cloche de la récréation sonne comme une libération, malheureusement bien trop courte. J'espère que votre bol d'air vous a rempli d'énergie. Car pour vous dérouiller les stylos, j'ai la plus chouette des activités, une dictée de rentrée. Au fond d'eux, les enfants ont envie de protester, mais personne n'a le courage de moufter. Tout le monde sort bien sagement son cahier et son stylo. Point final. Bien, passons à la correction. Qu'y a-t-il cette fois ? Il n'y a plus rien d'écrit sur mon cahier. Dis plutôt que tu n'as pas fait la dictée. Il dit la vérité. Tout ce que j'ai écrit a disparu. Pourquoi faites-vous tous cette tête ? Oh, ne me dites pas que c'est pareil pour tout le monde ! Face à un hochement de tête collectif, Madame Douce-Amère vire au rouge et arrache le premier cahier qui lui passe sous la main. En découvrant qu'il est vierge, elle le jette à terre et fonce sur un autre, vide également. comme les 5 suivants. Pendant un court instant de silence, la maîtresse reste immobile. Les enfants se recroquevillent face à cette cocotte minute sur le point d'exploser. « Qui a osé ?» Terrifié, aucun enfant n'ose répondre. Nouvel instant de silence, brisé par Zélie. « Madame, c'est impossible que ce soit l'un de nous !»« Je ne t'ai pas sonné! Je vous avais dit de filer droit !»« Mais vous croyez sérieusement que l'un de nous a pu changer l'encre de tous nos stylos par de l'encre magique qui disparaît ?» Et pourquoi pas? Je suis bien placée pour savoir que les enfants redoublent d'imagination pour éviter de travailler et se moquer de moi. Peut-être que c'est la créature qui a caché nos crayons qui a fait ça. Crise étouffée, rire et chuchotement accueillent cette drôle d'idée. Silence! Aussitôt ordonné, aussitôt fait. Plus personne ne pipe mot. Avouez quand même que c'est étrange, non? Ce que je trouve étrange, c'est que tu parles encore. Pour la peine, tu prends la porte! Je suis sûre que Monsieur Vaudois va être ravi de te voir. On ne peut pas dire qu'il le soit, mais il n'est pas étonné de voir Zélie dans son bureau. Les exclusions de début d'année de Madame Doux-Samère sont un rituel, à tel point qu'il ne cherche même pas à savoir pourquoi Zélie est là. Pas de punition, juste un petit sermon sur l'importance de faire avec l'humeur soupe au lait de Madame Doux-Samère. D'après lui, elle reste une excellente maîtresse pour peu que rien ne dérape. Alors que le directeur accompagne Zélie jusqu'à sa classe, Madame Doux-Samère déboule dans le couloir, les cheveux en pétard, et s'effondre sur le directeur. « Ils sont intenables cette année, intenables !» Le directeur la ramène à la raison et propose la meilleure des solutions, remplacer tous les stylos défectueux. Le reste du temps de classe se déroule avec des enfants terrifiés et donc sages comme des images. Cette fin de journée normale n'enlève rien aux bizarreries du matin. C'est bien pour ça que Zélie file chez sa mamie pour tout lui raconter. « Il y a un mystère là-dessous où je ne suis plus bonne à être une tricoteuse. »« C'est pour ça que j'ai pris mon stylo et mon cahier. On les amène au QG pour les analyser. »« Pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. » Zélie la suit dans la cuisine. Elle ouvre le micro-ondes et se tourne vers sa petite fille. « Passe-moi ton cahier et tes crayons. »« Tu veux les faire cuire ?» Oh, tu crois que j'ai une araignée au plafond? C'est un micro-ondes multifonction qui peut servir de laboratoire d'analyse. Fais-moi confiance. Sans trop y croire, Zélie tend ses affaires que sa mamie place soigneusement dans le four. Elle pianote sur des boutons et d'un coup, l'appareil vrombit avant d'émettre un concert de bip pas vraiment rassurant. Il ne nous reste plus qu'à attendre 2 minutes pour avoir les résultats. 2 minutes plus tard, le micro-ondes laboratoire d'analyse émet un « ting » puis crache un morceau de papier. Sa mamie s'empresse de le lire. Pas de doute, hein. Il y a bien de la magie là-dessous. Et ça dit qui est derrière tout ça? Le rapport indique « Trop d'hypothèses, veuillez poursuivre l'investigation ». Le lendemain, après que tout le monde s'est installé, Madame Doux-Samère pose un regard glaçant sur sa classe. « Tout le monde a ses stylos ce matin ?» Un oui monocorde lui répond à l'unisson. « Vérifiez qu'ils fonctionnent bien !» Tout le monde griffonne son cahier d'exercice. Une nouvelle vague de oui met la maîtresse en joie. Ce matin, Madame Doux-Samère a prévu un exercice de calcul. Après un moment de travail individuel dans un silence complet, la maîtresse appelle Zélie au tableau pour faire les corrections. Le premier exercice est une addition très simple. 5 plus 5, facile, ça fait 10. Sauf qu'elle se voit écrire 11. Enfin, Zélie! Ce n'est pas moi, c'est la craie! Il faut assumer ses erreurs, ma chère, hein. Continuez! 25 fois 2, 50. Mais à la place, Zélie écrit 90. Zélie regarde la craie, l'air bête, puis regarde Madame Doux-Samère dont le visage vire au rouge. Zélie efface, essaie d'inscrire la bonne réponse, mais à la place, elle écrit 60. La maîtresse lui arrache la craie des mains. « À votre place, je vais faire la correction moi-même. » Elle efface les 2 mauvaises réponses, puis écrit. « Même un CP, c'est que 5 et 5 font 10. »« Vous avez écrit 12, madame. » Madame Doux-Samère souffle comme un buffle en colère, efface la mauvaise réponse et écrit 20. Quelques rires étouffés fusent. « Silence ! Silence !» « Il faut assumer ses erreurs, maîtresse !» Les rires redoublent. « Oh, Comment oses-tu? Oh, mais parce que c'est toi le responsable. À la porte, tout de suite, pour outrage à maîtresse et rébellion. Il a juste fait une blague. Vous croyez vraiment qu'il a téléguidé la craie? Deux mutins pour le prix d'un. Monsieur Vaudois va être ravi. Le directeur les accueille en se pinçant l'arête du nez. Mais lorsqu'il apprend la raison de leur venue, il lève un sourcil plein de curiosité. Alors qu'il ramène Zélie et son camarade, un cri furieux résonne dans le couloir. C'est Madame Doussamer. Il se précipite dans la classe et la découvre en train de sauter à pieds joints sur un tas de craies jetées à terre. Les autres enfants sont terrifiés et certains presque au bord des larmes. Les craies! Ils ont fait quelque chose aux craies! Oh, ces petits démons ne me laissent aucun répit! Oh, ma tête! Prise d'un vertige, la maîtresse trébuche. Le directeur la rattrape de justesse et l'emmène à l'infirmerie. Alors que ses copains sont sous le choc, Zélie inspecte le tas de craies et perçoit les mêmes traces que la veille. Elle attrape un buvard, le mouille à l'aide de sa gourde et le pose dessus pour prendre l'empreinte. Elle n'oublie pas de chaparder un bout de craie maléfique. Peu de temps après, le directeur réapparaît. Il annonce aux enfants que Madame Doussamer est rentrée se reposer et qu'ils vont être répartis dans les autres classes. Après l'école, Zélie fonce tout raconter à sa mamie. « Avec ce que tu as récolté, on devrait savoir ce qui a causé tout ce bazar. » Le micro-ondes laboratoire d'analyse ne tarde pas à rendre son verdict. On a affaire à un scribo pénibilus. Un quoi? Un démon qui maudit tout ce qui permet d'écrire. Pourquoi s'en prend-il à l'école? Ces machins-là, ça s'invoque, et il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Alors on le capture et on le fait parler. Mais celui-ci n'est pas très puissant. On devrait pouvoir y arriver. Surtout qu'il a un péché mignon. Regarde. Il raffole de l'encre de Chine. Au travail, on passe à l'action dès ce soir. Alors que tout le monde est en train de ronfloter, deux ombres presque invisibles s'approchent de l'entrée de l'école. Tout ouvre tout. La porte s'ouvre sans un bruit. Zélie et sa mamie se faufilent dans les couloirs jusqu'à la salle de classe hantée. La vieille tricoteuse dépose un bidon d'encre de Chine de premier choix qu'elle débouche avant de s'éloigner sur la pointe des pieds. « Bonnet, me tromperait-il ? » La porte s'entr'ouvre. Une ombre potelée, haute comme trois pommes, ressemblant plus à une peluche qu'à un cauchemar, s'avance vers le bidon. « Oui, oui, c'est bien de l'encre de Chine, à présent pour service rendu. Qu'importe, je vais pas me priver. » Alors qu'il déguste son soi-disant cadeau, la mamie de Zélie lui jette une pelote verte et une autre noire qui l'englue et le saucissonne. Qui êtes-vous? Deux personnes qui cherchent des réponses. Qui t'a envoyé? Parce que vous croyez qu'un démon taille le bout de gras avec la personne qui l'invoque? Non mais franchement. Alors tu vas nous mener à son repère. Vous en avez une bonne. J'ai été invoquée devant l'école. Tu peux au moins nous dire pourquoi tu es ici? Pour faire ce que je préfère, enfin. Pour dire craies et crayons pour mener la vie dure à une cible de choix, les enfants. J'avais plutôt l'impression que c'était pour embêter Madame Doussamer. Un mal pour un bien meilleur mal. Normalement, n'importe quel directeur vous aurait puni pour avoir mis votre maîtresse dans cet état. Mais le vôtre, non. Tu t'es pas attaqué à la bonne maîtresse? Ne perdons pas de temps. Amenons-le au QG pour le renvoyer d'où il vient. Non. Comme c'est original, un démon qui ne veut pas être banni. Les démons comme moi se font martyriser des siècles durant pour avoir échoué dans leur mission. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Es-tu prêt à laisser les enfants tranquilles? Je risque de mourir d'ennui. Avec tes talents, tu pourrais nous aider dans nos devoirs. Mais ça va être pire que l'enfer. Je vis pour m'amuser. Au dépens des autres. Je te propose un marché. Je te promets qu'on va s'amuser. Il y a des tas d'activités créatives. Et je suis sûre qu'avec tes talents, on va créer des dessins extra et écrire des histoires formidables. Ok, on peut essayer. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu n'as pas déjà un maître? Alors, techniquement, non. Elle m'a lâché sur cette école pour faire de mon mieux pour faire le pire. Et le pire, pour un démon, c'est de faire le bien. Alors je ne risque rien. Elle, tu dis? Non, Non, vous devez avoir des problèmes d'audition. Je t'ai reçu 10 sur 10, mon petit. Je n'aime pas trop votre regard. Et moi, je n'aime pas qu'on me mente. J'ai peut-être dit « elle ». Bon, si on concluait notre pacte. Le démon se tortille et arrive à extirper l'une de ses mains de ses liens. Zélie s'accroupit, plonge sa main dans la gelée et la lui serre. Elle reçoit une décharge qui la fait tomber à la renverse. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Nous sommes liés. Je suis officiellement ton démon. Si on faisait le bien maintenant ? Cela devra attendre demain. Le démon va-t-il faire le bien ? Qui l'a invoqué ? Et surtout, pourquoi ? Ces questions vont devoir rester en suspens jusqu'au prochain épisode. Car il est temps pour nos héroïnes et le démon... Je m'appelle Scribe ! Et Scribe de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je suis le professeur Gérard Elft, je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et nous allons parler des gestes qui sauvent, qui sont importants à connaître dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. Livy pour la santé de tous. Bonjour docteur, je me suis fait piquer par une guêpe ce midi au déjeuner et depuis ma main, elle a légèrement gonflé et la zone de la piqûre est un peu douloureuse. D'accord. Alors, la réaction à la piqûre semble plutôt légère et sans gravité. Voyons ensemble un traitement qui pourrait vous soulager. Avec Livy, vous pouvez consulter un médecin en vidéo où que vous soyez, 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Le médecin pourra vous prescrire un traitement adapté aux symptômes courants causés par une piqûre d'insecte. Livy, pour la santé de tous.